Suggestion par Hugleroux. Un profond silence s'établit. L'avocat du prévenu, maître Coignard, venait de se lever. Un instant, il regarda son triste client qui, la tête basse entre les deux gendarmes, semblait un bœuf à l'abattoir sous la levée du maillet. Enfin, il dit « Messieurs, si éloignés que nous soyons de connaître toutes les lois qui règlent ce qu'il y a de mécanique dans la pensée humaine, nous avons cependant levé sur cet inconnu un coin de voile. Sous le titre de psychologie des foules, des savants, dont les intentions ne peuvent être suspectées, ont écrit des livres où est analysée cette folie particulière, qui à certaines minutes s'empare de l'esprit public et à des degrés divers, impose à tous les habitants d'une ville, d'un pays, la même suggestion. Qui de vous niera que nous n'ayons vécu ces temps derniers sous l'empire d'une de ces épidémies de peur ? Deux meurtres affreux, de caractère presque identique, occupent pendant des semaines l'opinion publique. On croit d'abord que des assassins ont pénétré de nuit dans des maisons habitées et qui semblaient à l'abri de telles surprises. On finit par découvrir que nul criminel ne s'est introduit dans ces riches demeures. Celui qui a frappé habitait depuis des mois dans la maison, sinon comme un ami, du moins comme un familier. Il n'avait contre sa victime nulle haine particulière. Il avait pris l'engagement de la servir et de la défendre. Il a profité du sommeil, autour duquel il devait professionnellement veiller pour faire son coup. Je dis, messieurs, que ces meurtres des maîtres par les serviteurs sont faits pour jeter de la panique dans l'opinion publique. Et vous savez comme moi qu'avant de nous être ressaisis, nous tous, qui sommes là, nous avons, un instant, subi les effets déraisonnables de cette épouvante. Avant de nous coucher, nous avons regardé sous notre lit comme des enfants. Avant de nous endormir, nous avons poussé le verrou de notre porte. Transportons-nous maintenant sur le lieu du crime qui nous occupe. À l'écart d'un grand village, trois personnes habitent une propriété isolée. D'abord celle qui sera la victime, une vieille femme de 70 ans, estimée de tous pour sa bonté simple. Puis une servante, un peu moins âgée que sa maîtresse, qui pour elle est devenue moins une domestique qu'une compagne. Enfin, ce malheureux que vous voyez là, ce garçon de 19 ans, qui m'écoute et qui a bien juste l'air de comprendre que je parle de lui. D'où sort-il? On ne connaît ni son père ni sa mère. C'est un enfant trouvé. La charité l'a élevé. Quand il a eu 12 ans, la charité l'a recueilli. On a trouvé dans le testament de la pauvre morte quelques lignes infiniment touchantes. Elles disent « Je n'ai pas seulement pris Noël à mon service pour m'en faire un bon domestique, je voudrais réparer en ce qui le concerne l'injustice du sort. S'il continue à se bien conduire, s'il conserve ses sentiments religieux, je l'aiderai à s'établir quand il rentrera de son service militaire. Que s'est-il passé, messieurs, entre l'heure où la bienfaitrice de Noël rendait en sa faveur ce bon témoignage et la minute où elle a été frappée de mort par l'orphelin qu'elle avait recueilli? Déjà, vous le devinez, une quatrième personne est entrée dans la maison, un fantôme de déraison, un maléfice irrésistible, la peur. Tous les jours, pendant des semaines, elle s'est glissée sous la grille, avec le journal qui apportait les nouvelles des meurtres de la semaine. Elle a obligé les deux vieilles femmes, la maîtresse et la servante, à s'enfermer, à chuchoter. Elle a poussé ce valet de campagne, cet arriéré qui lit mal, à prêter l'oreille à travers la cloison afin de découvrir de quoi ces deux vieilles causent en dehors de lui. Elle lui a fait surprendre quel motif interrompt brusquement les conversations quand il entre dans la salle à manger pour les besoins du service. Ah, messieurs, pourquoi ne lui a-t-il pas parlé, la pauvre femme, ouvertement, de cette épouvante qui naissait, qui grandissait en elle? Pourquoi ne lui a-t-elle pas dit « Moi, j'ai confiance en toi, Noël. Tu me défendrais, mon enfant, si on me menaçait. » Cette suggestion-là aurait grandi dans le cerveau de mon misérable client au lieu de l'autre. Il se serait indigné avec sa vieille bienfaitrice. La nuit, il aurait prêté l'oreille pour écouter si des pas suspects ne rôdaient pas autour de la maison. Il aurait agi comme un chien de garde et non pas comme un loup. 15 jours passent dans ces hantises. Les deux vieilles femmes n'ont plus d'autres pensées. Leur épouvante les suit la nuit dans leur sommeil. Elles remarquent que Noël est devenu taciturne, que son expression est changée. Quand on ouvre la porte et qu'on l'aperçoit dans le corridor, il a l'air d'être surpris en flagrant délit. Entre ces trois êtres, que des sentiments cordiaux unissaient, un soupçon est né. Et quel soupçon! Quand la septuagénaire rencontre son serviteur, elle pense « S'il allait se jeter sur moi pour me frapper ?» Quand le serviteur rencontre les regards de sa vieille maîtresse qui, à la dérobée, l'épie, il songe « Elle a peur que je la tue. » C'est à ce moment que se place l'épisode de la hachette. Noël est dans le bûcher. Il se prépare, du moins il l'affirme, à couper du bois, à fendiller quelques bûchettes pour allumer le fourneau de la cuisine. Soudain, sa vieille maîtresse paraît sur le pas de la porte. Elle voit l'acier dans les mains de son domestique. Elle est pâle de terreur, elle bégaye. « Qu'est-ce que tu fais là, Noël ?»« Eh bien, madame, j'aiguise ma hachette. »« Pourquoi faire ?»« Pour couper mon bois, pardi. » Elle n'a pas prononcé d'autres paroles. Ses mains, ses lèvres tremblaient, mais les mots qu'elle n'a pas dit, les mots qu'articulait la voix intérieure, Noël les a entendus. Menteur, assassin. Messieurs, c'est ici que tout s'est précisé. Ici que ces deux créatures humaines se sont définitivement distribuées leur rôle dans l'affreuse pièce qui allait se jouer entre lui, le meurtrier, et elle, la victime. De la nuit qui a suivi, la nuit sanglante, nous avons un double récit, deux témoignages qui concordent, les renseignements fournis par la servante, la confession arrachée à l'assassin lui-même. Il dit que, comme à l'ordinaire, il couchait dans une chambre du rez-de-chaussée qui, sans porte, ouvre dans la cuisine. Au pied de son lit, il avait déposé le petit fagot et la hachette. Ainsi, il était tout prêt à allumer le feu dès son réveil matinal. Il ne peut pas préciser s'il dormait ou s'il était éveillé. Il a dit « J'avais les yeux tout ouverts ». Et dans un second interrogatoire, « Je me reposais bien ». Il pouvait être 3h30 du matin. Ce n'est pas encore l'aube, ce n'est plus tout à fait la nuit. Soudain, Noël a cru entendre des pas légers, furtifs. Il a rejeté ses draps. Il est monté debout sur son lit. À travers l'œil de bœuf qui éclairait le réduit où il couche, il a regardé dans le jardin. Il n'a rien distingué de ce côté-là, mais le bruit se rapprochait. Il venait du côté de la maison, dans le corridor. Vous vous rappelez les termes de l'interrogatoire qui, tout à l'heure, vous a été lu. Noël a dit « J'ai compris ce que j'avais à faire. J'ai sauté du lit. Je me suis armé de ma hachette. » Et à ce moment-là, quelqu'un est entré. Qui ? Vous l'avez aperçu, la pauvre femme, à travers les bégaiements de ce malheureux. Elle avait les pieds nus. Elle était dans sa robe de nuit. Elle était coiffée de son petit bonnet blanc. Elle venait à lui, les yeux grands ouverts, les mains grandes ouvertes. Elle avait l'air de lui demander grâce. Alors, lui, il a fait 3 pas vers elle et il a levé la hachette. Pourquoi l'a-t-il tuée? Oui, je vous le demande, pourquoi? Il ne la haïssait pas. Peut-être il l'aimait à sa façon du fond de son âme obscure. Il ne l'a pas volée. Il n'a même pas songé à s'enfuir. Ah, messieurs, penchez vers moi vos têtes, prêtez l'oreille, afin que je puisse dire la chose tout bas, très bas, afin que vous seuls, vous m'entendiez, vous, messieurs du jury, qui avaient le pouvoir de faire tomber cette tête. Il l'a tuée pour lui obéir. Ainsi s'achève Suggestion par Yves Leroux.